25 piges en 2008, déjà un quart de siècle que j'évolue. Pour toi ta place fait encore des ciels, mais j'ai bien changé. Et je crois bien m'être rangé sur les cœurs, je veux graver ta place dans les trop rangés. Les dangers aujourd'hui je me bats pour les éviter, éviter d'accumuler le passif pour tous mes héritiers. Car Inch'Allah bientôt daron est prêt à tout donner, endurci au kick et au marron. Je suis prêt à pouponner pour couronner le tout. Je voudrais que l'injustice m'oublie dans cette jungle de problèmes. J'essaie de grandir comme Mowgli, marre de souffrir. Je me baignais dans une mer de sourire, qu'on me déroule le tapis rouge pour plus forcer les serrures. Marre des coups durs, marre parce que la vie c'est rude. On doit éviter les obstacles, donc rien ne sert de courir. Je me nourris dans les fous rires pour pas voir l'espoir pourrir. Responsable et engagé, 25 piges c'est plus pour rire. 25 piges, les années passent, ta place t'évolue. Petit bonhomme est un homme, sa jeunesse est révolue. Pas le temps de regretter la vie qu'il aurait voulu. Aujourd'hui c'est sur l'avenir qu'il a acheté son dévolu. 25 piges, les années passent, ta place t'évolue. Petit bonhomme est un homme, sa jeunesse est révolue. Pas le temps de regretter la vie qu'il aurait voulu. Aujourd'hui c'est sur l'avenir qu'il a acheté son dévolu. Désormais, je m'attache qu'à ce qui est essentiel. Dans le gris démentiel de Paris, je cherche les arcs-en-ciel à l'ancienne. Je vivais au jour le jour sans projet. Les proches et le bonheur motivent aujourd'hui mes progrès. Alors fini l'époque à se réchauffer les couilles dans les halls. J'ai bien mieux à faire chez moi, même si c'est un peu moins drôle. La rue nous a vu grandir, après elle m'a vu partir. Je voulais pas en faire ma religion pour finir en martyr. Je suis rentré dans leur système, oui mais à contre-coeur. Car c'est plus simple d'apporter le changement par l'intérieur. J'ai mûri comme il fallait, au gré des désillusions. Les palaves sur mon âme illustrent cette allusion. Tant de questions sans réponse ont freiné ma progression. Je les oublie par le rap, même si c'est pas ma profession. J'aide les petits à grandir en combattant comme Rambo, en espérant qu'à 25 piges ils reprennent le flambeau. 25 piges, les années passent, ta place t'évolue. Petit bonhomme est un homme, sa jeunesse est révolue. Pas le temps de regretter la vie qu'il aurait voulu. Aujourd'hui c'est sur l'avenir qu'il a acheté son dévolu. 25 piges, les années passent, ta place t'évolue. Petit bonhomme est un homme, sa jeunesse est révolue. Pas le temps de regretter la vie qu'il aurait voulu. Aujourd'hui c'est sur l'avenir qu'il a acheté son dévolu. Au fil des ans, je m'en rends compte, les priorités diffèrent. On attend l'été en hiver, même si je commence à m'y faire. Chacun se bat contre sa misère, la chance est trop arbitraire. Y'a nulle part où habiter et trop de présence policière. Pourtant faut bien trouver sa place en suceur et sucé. Moi je veux nourrir ma famille avant d'être chanteur à succès. Alors on fait des petits boulots qu'ensuite on noie au goulot. Comment profiter de la retraite si on est au bout du rouleau? Nos parents sont tués à la tâche, ça a pas servi d'exemple. On te laisse pas vivre de ton talent, sinon j'aurais bigrave des cendres. Mais bon faut pas se laisser abattre, j'essaie de rester dur à battre. Grimper les échelons par quatre, même si je suis toujours rabat. Nostalgique de l'adolescence et moi adepte des mots blessants. J'ai compris qu'on agit mal quand ma masse fait du mauvais sang. 25 années pour apprendre, soit une centaine de saisons. Un tiers de vie écoulée, j'espère que c'est l'âge de raison. 25 piges, les années passent, ta place t'évolue. Petit bonhomme est un homme, sa jeunesse est révolue. Pas le temps de regretter la vie qu'il aurait voulu. Aujourd'hui c'est sur l'avenir qu'il a acheté son dévolu. 25 piges, les années passent, ta place t'évolue. Petit bonhomme est un homme, sa jeunesse est révolue. Pas le temps de regretter la vie qu'il aurait voulu. Aujourd'hui c'est sur l'avenir qu'il a acheté son dévolu. 25 piges, les années passent, ta place t'évolue. Petit bonhomme est un homme, sa jeunesse est révolue. Pas le temps de regretter la vie qu'il aurait voulu. Aujourd'hui c'est sur l'avenir qu'il a acheté son dévolu. 25 piges, les années passent, ta place t'évolue. Petit bonhomme est un homme, sa jeunesse est révolue. Pas le temps de regretter la vie qu'il aurait voulu. Aujourd'hui c'est sur l'avenir qu'il a acheté son dévolu. 25 piges, yeah, ta place t'MC. Homicide Records, BLASTA.